nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. On se retrouve pour Entar Brezonek. Ben ouais, je rempile, ça fait plaisir de retrouver Henri. Kentel Peron, Unan Warnugen, n'est-ce pas ? Unan Warnugen, oui. 421, comme au bistrot. Ah bah ouais, tu vas au bistrot, toi, Henri. Non, mais j'ai eu l'occasion de voir ça dans les bistrots, le 421. Je ne sais pas trop comment ça marche. Ah si, moi je sais, c'est avec des dés, je crois bien. Ah oui, il y a des dés, il y a 3 dés, oui. Mais j'ai jamais joué, mais bon. Je t'apprendrai. Ouais, ouais. Ruzal, aujourd'hui. Alors, Ruzal ou Ruzan, hein, Ruzo, ça dépend, qui veut dire se traîner, hein. Traîner ou se traîner. J'ai pensé à ça parce que quand j'étais gamin, il y avait un aîné ici, puisque c'était le doyen de Pemrit à l'époque. Et quand on lui demandait si ça allait bien, alors il a une petite voix fluette, il disait toujours « Derren Ruzal !» Oui, oui, ça continue à se traîner. Il s'est tellement traîné, d'ailleurs, qu'il a enterré toute sa génération, mais enfin bon, c'était son... On l'appelait Tonton Jean. Il s'appelait Géant, quoi. Iwan Jean, et on l'appelait Tonton Jean. Il répondait toujours ça, « Derren Ruzal !» Voilà. Et sa femme, c'était Julienne, Titine Julienne, que tout le monde, tous les gamins... On avait des tontons et des titines dans le bourg. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est sympa. Voilà. Et donc, il répondait toujours ça. Alors, Ruzal, donc, Ruzal ou Ruzan, ça dépend des endroits. Ça veut dire, donc, traîner ou se traîner, quoi. Alors, c'est une racine qu'on trouve aussi dans les autres langues celtiques, hein, en gallois, en cornique. Hein, donc, qui a toujours cette idée... Il y a à la fois l'idée de se traîner, et puis en gallois, c'est l'idée d'hésitation. Hein, donc, d'avoir un moment d'hésitation avant de faire quelque chose, par exemple. Voilà. Une démarche un peu traînante, quoi. Alors, on trouve ça, bon, c'est très utilisé en breton, hein, Ruzal, Ruzan, hein, dans ce sens-là. Par exemple, à Plounévé-Quintin, on organise des randonnées Ruzboto. Pour traîner ses chaussures, quoi. On imagine un peu les randonneurs un peu fatigués, là. Ouais. On dit ça aussi dans le pays ficelle des autres. Un peu qui dansent la gavotte montagne, par exemple. Oui, danse Ruzal, oui. Danse Ruzal. Alors, justement, on dit souvent, on disait dans les danses qui ont été importées, là, la polka, la mazurka et tout ça, on les appelait des danses Ruzal par opposition aux danses Zaï. Hein, qui étaient les danses, par exemple, comme le ficelle, hein, où on saute, hein, tandis que là, c'était des pas un petit peu. Alors la valse, évidemment, c'était complètement danse Ruzal. Hein. Et on disait que danse Kofakov aussi. Alors, donc voilà, donc l'expression Ruz, hein, qui veut dire donc en se traînant. Hein. Des fois, on dit Rusker aussi. Hein. Vraiment, là, on se traîne vraiment, quoi. Rusker. Il y a une expression que j'ai entendue l'année dernière, c'était un grand-père qui regardait Amel Carré, là, qui regardait ses petits-enfants sur le toboggan, et on parlait en breton tous les deux, et il m'a dit « Aidez war skeul ruserer ». Hein, c'est donc la... Et j'avais jamais entendu, j'ai trouvé ça très joli, hein, le toboggan, hein, « skeul ruserer », ouais. Voilà. Alors, donc, j'ai déjà parlé de danses ruses, hein, qu'on appelait aussi les danses kof à kof, hein. Il y a aussi une expression ruse dit ruse, hein, c'est-à-dire ruse dit ruse, ça qualifierait quelqu'un qui serait peu actif, lent un peu, nonchalant, quoi. Hein. Ruse dit ruse, voilà. Alors donc bon, d'autres dérivés. Alors je n'ai pas dit que le participe passé c'était ruse, hein. Bon, c'est un participe passé régulier. Hein. Alors il y a des formes un petit peu différentes pour la prononciation. Hein. J'ai dit tout à l'heure ici on dit Ruzal, ailleurs on dit Ruzo, hein, et ou Ruzan. Hein. Mais c'est en fait c'est la première syllabe, hein, qui est la plus importante. Hein. Donc c'est pour ça que souvent les terminaisons de verbes en breton sont assez variables parce que ce qui compte c'est la première syllabe. Hein, voilà. Alors des dérivés. Alors Rue Zadek, on pourrait appeler ça un traînage, hein. Rue Zaden aussi, donc qui a le même sens. Alors il y a un verbe dérivé aussi, Rusata, qui est patiner, hein. Donc se traîner aussi, mais sur la glace, quoi. Alors le patineur, Rusata. Et puis j'ai trouvé aussi Rusates pour la poussette. Ah oui. La poussette, ouais, Rusates, hein, véhicule pour les enfants en bas âge, là, qui se traînent un petit peu, quoi. D'ailleurs, on dit qu'en ville, elles se traînent au niveau des pots d'échappement, ce qui n'est pas excellent. Mais à la campagne, ici, on n'a pas ce problème-là. Voilà. Ruseur aussi. Ruseur, c'est quelqu'un qui est un peu lambin, quoi. Ah, hein, oui, ruseur, oui. nonchalant, quoi. Et le féminin, ruseur, hein. Voilà. Alors, il y a quelques expressions où on va trouver par exemple, une expression qui disait « Gwele dou gonor »,« Groise et vide ruse alnei ». Il vaut mieux porter la croix que de la traîner, quoi. Voilà, quand on a une vie un peu difficile, quoi. Et c'est aussi utilisé pour dire « végéter » aussi. Ah oui. Hein, rusant, c'est un peu bon, oui, végéter, quoi, en français. Rusant, bon, j'ai déjà dit pour les pieds, hein, rusant ride, hein, il traîne ses pieds. Et il y a une expression que j'aime bien aussi, c'est chombe de ruse aldersul, c'est-à-dire le dimanche, ben traînailler un petit peu, vivre nonchalamment, quoi. Voilà, ben ruse de même temps, Moirna, forcément. Oui, alors là, aujourd'hui, je voulais parler un peu des noms de chevaux, puisque cette année, c'est en E. Et donc, alors, tous les ans, à cette époque-ci, des fois un petit peu avant, là, je suis un peu en retard, mais enfin... Non, mais ça, là, ça pouline. Ah oui, oui, ça pouline, oui. Donc, les noms en E. Alors, j'ai trouvé quelques noms qui pourraient... Alors, il y en a un qui est marrant. C'est Ebel, hein, puisque c'est un poulain, Ebel, hein, et on alors c'est aussi l'idée, c'est de un cheval assez dégourdi, quoi, Nebel, hein, so Nebel, hein. On dit ça pour les gens aussi, hein. Donc Ebel, hein, c'est pas mal. La pouliche est beuleuse, hein, voilà. Alors, puisque on est au mois d'avril, Ébreul, Ébreul, hein, voilà. Alors, Elorn aussi, j'ai trouvé un joli nom, là, un nom de fleuve, hein, voilà. Imbon, Imbon, c'est quelque chose qui est publié, quoi, Imbon. E-M-B-A-2-N, il y aurait Imgon aussi. Le combat, Ça, pour un étalon un peu vigoureux, ce serait pas mal, voilà. Ebat, alors Ebat, c'est le plaisir, hein, Ebatou, hein. Ebat, E-B-A-T, c'est un joli nom court, voilà. Et Ebatus qui s'amuse, hein. Ça pourrait être intéressant aussi. Mgav aussi, rencontre, hein, E-M-G-A-V, voilà. Alors Mgleo, hein, une entente. EM, alors soit EMGLEV ou EMGLEO, hein, Mgleu. Un qui est un peu international, qui est pas spécialement breton, mais en breton ça s'écrit avec un K, écolo. Écolo, ce serait pas mal, hein, pour un puisque maintenant on utilise les chevaux, ouais, pour des activités de ce genre-là. Pour ramasser les poubelles. Oui, oui, voilà. Pour ramasser les fleurs. Oui, au bord du canal de Nantes à Brest aussi. Edgile, l'autre, hein, voilà. Elestre aussi, un nom de plante, l'iris, hein, voilà. Alors il y en a un qu'on voit souvent des noms de ce genre-là. C'est Énor. Alors Énor, parce qu'on peut mettre un nom de village derrière, par exemple Énor Kermark, Énor Kerneré. On voit souvent dans les, oui, la fierté. Alors on voit souvent dans les des noms comme ça pour les chiens aussi, hein. La fierté de tel endroit ou de tel éleveur. Énor, hein. Énor à gloire. Bon, enfin, ça ce serait un peu. Alors Évurus aussi, Évurus, hein, pour un cheval, ce serait pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Envor aussi, la mémoire, hein. Donc c'est comme énorme mais avec un V, E-N-V-O-R. Et Ostic, hein, rossignol, hein, pour un cheval gay un petit peu, là. Donc ça s'écrit E-O-S-T-I-G. Et Est aussi, Est c'est la récolte, la moisson, quoi. Ah, oui. E-O-S-T, hein. Ça, c'est pas mal, Est, hein. C'est un peu, c'est court. Et comme puis, le mois d'août. Comme le mois d'août, oui. Voilà. Eskem, donc échange. Eskem, ce serait joli aussi, quoi. Et puis j'ai gardé pour la fin, hein, qui serait assez amusant, c'est Escop. Ah, l'évêque. L'évêque, oui. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Pour un cheval qui aurait quand même une certaine tenue, quoi. Ah bah oui. Oui. Bon, voilà quelques pistes, hein. Pour trouver les noms en breton pour les chevaux cette année. D'accord. On garde en mémoire, donc si vous avez un poulain ou une pouliche qui voulait lui donner un nom en breton, je pense que vous pouvez contacter Henri Lenamour. Ouais, oui, pas de problème, avec plaisir. Donc c'est terminé pour Brézon Lactant Matin, on passe maintenant à Petra Zonévervron. Thank you. troisième partie d'émission, Petra Zone Vervro Eri. Petra Zone Vervro, cas de draw et veljus, boervé, je dis vous en. Krogum ne dient-on et velcustum, gandelor bourdouar, a gandor vu et war armés. Erion brément de vad, ben eve amzor. Krogé, neun de glace colère et vide boronés, blenuzo war armés, or pebler, a gade de en amzor gloire. Hat krog et en dut de vad de la bourrat, war la bourdouar, plus dur et point, jongen la caden trivad ou de zon. Rugel vigelaret de Wilmar, de vigelaret, de Wilmark, et na dius en bapark, ag goudere de Wilmark, zo bemwarnug en de zmisebrel. Vraiment n'est que guir tre, puis yon vraiment zo maïs, ag maïs alis velak et de Waller Wilmark. Mais de Gogel ou aguir zé. Maïs vek la que kaz Waller Wilmark, même de strop, et de roi de god maïs mad, mais de maïs n'est que d'or plante de zorvro, de des zorvro américa. De zler bénéfine vet tomor an eve amsan. Asiz o koz aliz maiz li veiz mur dom dor an vi diwan hag bon vesterb gan ban eve amsor breiz am. Bon, war da chenen en dro ne la rin ke kalz dra ar vejm ge on dra de l'aret ba gwen gam ne prenet un ti post ne prenet pidereto oto hag yag an tredan, pe elektricite ma peswa. Hag a rins o toio ou didrouz a digoust vid an energiez. A zezon drava vid an endro hag vid an tipos de velchus. Bont kom zan bremañ an tom deus an ekonomiez. Ur mar emañ e ster d'an trou vid an artizan de zo labour a doar an tir e breiz. Pudur warland ez o bet pel meut or tir a zo bezavet vid blaio tremenet. Setu e diez en trao hag kalz stalio eus oet te val. Hwer lasso, oa perugen milde non labourat evit zeveltir breiz, a bremañ neus ket met daouze gatriugen, mil, zera eiz mil neptor me mestran. Hag an se, n'a ket gwalvoad en trao, evit ur batiman chou. War da chen ur politiker eus bremañ, bon, tremen edé mar e ur votadeg ou vid parouzio. Bon, a kalz drous o bet ganzi evel just. Blas ou ebet mir d'ur mer koz, putur velvelar d'ur mer koz, e neke d'ur mer a zo koz, me mer o a rog. Hag bon, blas ou ebet mir d'vel bazan igouden, pe bazan servez, pe ba... Ba ker an gris, oaz, ba zant konant, ba trabrien. El er hel ebet zo bet dibabet o mer nevi, bon vejo barmon waket war ur renk, evel ba lokarn pe ba purud. Hag el er hel blammer ebet dornet de merkoz, vel ba zant Nicolas pe ba kalak. Ba disement ur vu evit en dilen vidi. Nekenen vichom dermad war a gardor. A vraiment, chom hoer la vraiment d'or skipaio neve evit labourad a diskwe e n'yant parloar vichar. Ka evel jus peve en dud o kambal i vegn ober un estan med waler vej o vester d'un trao. Hag zioar vo dieste vejman ka un eran vo rond de zizgreski de ce sclève de Erstad Regnuptor Eran, ou Ardro Huer Dragon Nuptor, Hagen Dispigno Zuroir Grescoas, c'est une bonne, ma treize de Vaudiez, de certaines rires, Obertout Pesnen Bellaret. A bonne ou alerso, Votade Gouras de Zone, Ben Warnug de Visme, vide casse Tud de Gambe, député de Bro Europa. Bon, presti de vos clèves comme de ces marettes. Bon, vijo le grand tendard de The Hind Kreis Breis, Urbet Broadel, Camper à Triugena, Galag et RN 164. Hag, nens, bon, zo, ya de The Castellin, Bittag Montauban, Montauban Breis, n'est que Montauban, sur Beauvrance. Hag bon, ve je n'amser ve Igor edo ar enton braz on tan bien, met gustad ik han traoù me mestra, tan ma tam. Bon, pe vo echu un ense, le dan an ei, vo kant dao a tri ugen kilomet, go jel vije belar a dao ugen le, a pe soan, estar ve febet. Bon, disse man kon. Bon temps, Wardash en Zévenadur, vraiment. Tramène des Hanner Bobl, vie de Vroham, ou à Bamel Carrez, en DL, on dit à Bra, en Amzor, sais-tu. Ma treizeaine et barre, mon doigt, Bra, en Amzor, ou à Neptor, du de Blanc. Osez devait, un M-Volzug en RKB, à quel Keltie, que Rostren. Agarzis au Bequel, devait juste qu'en aérien, conterien, zone aérien, scoliou de Zrostren, à de Zevro. Hag tu d'en parles, hein, hag bon cas obligé à dire zobet. Hag on ne peut de zri zobet d'iba, but ba mel carrez, yei de bondi ma fine mise et voilà. Bon. Clève meus vos tombes au cul des nous, blanc me gand, vide gouel plin ba tendout. Puis dure son air, yen rawar dro, ne se divise de, j'ai bégré de Honcourt vide cas son air, yen de gourine. J'ai bégret ba la rue en plan me ba miséven, hag ne vaut que gret ban dan out, mais jonja ram me mestra vos moyennes d'or or festival bra ou ban dan out, ka zezo e bouez, un festival en dan out, festival ur vo plin, zo e bouez evit ur vo ram. Bon. Klevet ve koms, enfin klevet sou be koms, hein, vid ur... on m'a arrêté en bas, les blancs me des braisons de grand temps. Ne peut voir, mais on tombe même sera. Ro, vigé que compte de ces temps me bêta. Vigé compte de ce nechou, de ce zavadurio, mais de ce zévena du revro, ne vigé que comme ce temps bêta. Ac blanc me bon, très rase, strolade ou velaïta, hein, zo bêta goulot, gon reware reng, pétao en jon, j'tober et vide braison de. A de square, barostren, hein. En diou liste en eus lare de refeign ou seiz post u vid ur brezhonek hag ma hen barz, quoi. Hag bon, or, ou seiz post u vid ur brezhonek bar ostren hag tro war dro gant dre ar CCKB. Bon, gwellet vo pe sa moun vo kont, mais bon, guire e ma deja zo bet komz de se e blanc main, quoi. Neus ket gwell belzo, pezhomp pe an komz eus ur brezhon, ne gaze. Ma trezen peus gwell ad e bruder eus vid an amant gret gant ur stal legal, war an tele, an ur bruder eus ur brezhon, ne gant peus kavet gret bad, hein. Plus juz hag zezo an dravad, hein, ur bruder eus ur brezhon, ne war fertri. Hag zechanch an tamm de ze zo toni eus ve diskwez e di baliz, bas ur bruder eus. Bon, ka aliz, ve ke me zoton ni a traoù skuizus. Bon, an avenmant de Bavro, an den a zo an avet Bavro e fanch keran, a fe an fanch keran, a zo an den oa kelener, hein, bon, war brezon hag ar predir ourius, an den an part war brezon hag an part tre, hag ive war ar predir ourius, hag neus predir ourius pe a filosofi ma peus oant. Bon, ak fanch keran eus tram de di. I vu e lab ur baskolajou, hein, baskoliou. Hag im bon en eus daou lever neus ke gwal belzo war preder ourius. Onan eus o preder ourius pe filosofia. Hag naiel e ke al doue waler a Auschwitz. Hag bon, meus ke len en eroaz, me jonjon d'or, hein, evel just. Hag bon l'arreran salut fanch keren ma vefe bet o chila o hanan a di vre kolet tiem edel bron setu on tamm de speso ne a bavro hag point de din l'artar kenavo chila oer yen er kabe a merci bras de hans o gandin am sikour d'or an abaden a le tien arvejel Eri.